Chapitre 3e. En quittant la baie de Ski, je fis route le long de la côte, gouvernant sur le canal de la reine Charlotte, où je m'attendais à trouver l'aventure. Le 14, notre bon vent nous quitta. Nous vîmes de grandes troupes de pétrels voltiger ou se poser à la surface de la mer, ou bien nager sous l'eau, jusqu'à une distance considérable, avec une agilité étonnante. Bientôt après, nous aperçûmes 6 trombes. 4 s'élevèrent et jaillirent entre nous et la terre. La 5e était à gauche. La 6e parut d'abord dans le sud-ouest. À 2 ou 3 milles au moins de distance du vaisseau, elle passa 150 pieds de notre arrière, sans produire sur nous aucun effet. J'estimai le diamètre de la base de cette trombe à environ 60 pieds. Sur cette base, il se formait un tube aux colonnes rondes par où l'eau ou l'air, ou tous les deux ensemble, étaient portés en jet spiral jusqu'au nuage. Cette colonne était brillante et jaunâtre quand le soleil l'éclairait, et sa largeur s'accroissait un peu vers l'extrémité supérieure. Quelques personnes de l'équipage disent avoir vu, dans l'une des trombes près de nous, un oiseau qui était entraîné de force, et qui en montant tournait comme le balancier d'un tournebroche. Pendant la durée de ces trombes, nous avions de temps en temps de petites bouffées de vent de tous les points du compas, et quelques légères ondées d'une pluie qui tombait en larges gouttes. À mesure que les nuages s'approchaient de nous, la mer se couvrait de petites vagues brisées, accompagnées quelquefois de grêles, et le brouillard était extrêmement noir. Le temps continua ainsi à être épais et brumeux quelques heures après, avec de petites brises variables. Enfin, le vent se fixa dans son ancien rhombe, et le ciel reprit sa première sérénité. Le vent ayant repassé à l'ouest, je repris ma route à l'est, et le 18, à la pointe du jour, nous fûmes en travers du canal de la reine Charlotte, où nous découvrîmes l'aventure par les signaux qu'elle nous fit. Il faudrait avoir été dans une situation pareille à la nôtre pour sentir notre joie. À midi, le lieutenant Kempt de l'aventure vint à bord et m'apprit que le capitaine Furneaux nous attendait ici depuis environ 6 semaines. À l'aide d'une brise légère de nos chaloupes et de la marée, nous jetâmes l'ancre à 6 heures du soir près de l'aventure, qui, pour témoigner sa joie, tira 13 coups de canon. Nous en tirâmes autant. Le capitaine Furneaux, qui se rendit à l'instant à mon bord, me donna le récit de ses opérations, depuis le moment de notre séparation jusqu'à son arrivée à la Nouvelle-Zélande. Le 7 février 1773, la Résolution étant à environ 2 milles en amont de nous, le vent sauta à l'ouest et amena une brume très épaisse qui nous la fit perdre de vue. Bientôt après, nous entendîmes un coup de canon et je fis tirer un pierrier de 4 chaque demi-heure, mais on ne répondit point et nous ne revîmes plus la Résolution. Je repris alors la route que je suivais avant la brume afin de croiser, suivant nos conventions mutuelles, dans les parages où nous avions aperçu le bâtiment la dernière fois. Mais le lendemain, des grains de vent très violents et le brouillard nous obligèrent de mettre à la cape, ce qui nous empêcha d'atteindre l'endroit projeté. Le vent était devenu plus maniable et la brume s'éclaircissant un peu, je croisai 3 jours aussi près de cet endroit qu'il me fut possible. Abandonnant alors toute espérance de nous rejoindre, je marchai vers nos quartiers d'hiver, éloignés de 1400 lieues, à travers une mer complètement inconnue. Je fis voile ensuite pour la baie Frédéric-Henri. Le 11, je mouillai à 5 lieues de l'île Maria, qui couvre les 2 points de la côte, de manière qu'on est absolument enfermé dans un havre très spacieux que j'appelais baie de l'aventure. Nous y restâmes 5 jours. Ce temps fut employé à faire du bois et de l'eau et à raccommoder les agrès. Durant notre mouillage, de la fumée et plusieurs feux s'offrirent à nos regards à environ 8 ou 10 milles de la côte au nord. Mais nous ne vîmes point de naturel. Cependant, ils fréquentent souvent cette baie, car nous sommes entrés dans différentes huttes où nous avons trouvé des sacs et des filets faits avec des herbes, et dont ils se servent, je crois, pour transporter leurs provisions et leurs ustensiles. Une pierre qu'ils emploient à allumer du feu, une mèche d'écorce d'arbre et une de leurs lampes. Je pris ces objets et laissai en place des médailles, des pierres à fusil, quelques clous et un vieux baril vide qui avait des cercles en fer. Ils ne semblent pas avoir la moindre connaissance des métaux. Les branches d'arbres qui composent leur hutte sont brisées ou fendues et jointes ensemble en forme circulaire avec de l'herbe. Le gros bout de ces branches s'enfonce en terre et le plus petit, réuni en forme de pointe au sommet, est recouvert de fougères et d'écorce. La construction de ces huttes est si mauvaise qu'elles ne mettent pas l'abri d'une grosse pluie. Le foyer est au milieu et il est environné de monceaux de coquilles de moules, d'huîtres et de débris d'écrevisses dont je crois qu'ils se nourrissent principalement. Ils couchent autour du feu, sur la terre et sur l'herbe sèche. Je pense qu'ils n'ont pas de demeure fixe, puisque leurs huttes ne paraissent bâties que pour quelques jours. Ils errent en petites troupes, de place en place, afin de chercher de la nourriture, Aucun autre motif ne détermine leur course. Je n'ai jamais observé plus de 3 ou 4 huttes dans un endroit. Chacune peut contenir seulement 3 ou 4 personnes. Nous n'avons pas aperçu le moindre débris de pirogue ou du canot, et nous jugeâmes tous qu'ils n'en ont point. Enfin, cette race est très ignorante et très misérable, quoiqu'elle habite, sous le plus beau climat du monde, un pays qui pourrait produire tout ce qui est nécessaire à la vie. Le 3 avril à midi, nous entrâmes dans le détroit de la Reine Charlotte, et le 7, je mouillais dans l'anse du vaisseau. Nous entendîmes pendant la nuit des hurlements de chiens et des cris d'hommes sur la côte orientale. Les 12 jours suivants furent employés à nettoyer un emplacement sur l'île Motuhora, afin d'y élever des tentes pour les voiliers, les tonneliers, les malades, car nous avions plusieurs matelots fort attaqués du scorbut. On trouva au sommet de l'île un poteau dressé par l'équipage de l'Endeavour et qui marquait le nom et le temps du départ du vaisseau. Le 9, 3 pirogues montées par environ 16 naturels du pays vinrent nous voir, et afin de les engager à nous apporter du poisson et d'autres provisions, nous leur fîmes plusieurs présents qui parurent leur causer beaucoup de plaisir. L'un de nos volontaires, apercevant quelque chose enveloppé avec soin, eut la curiosité d'examiner ce que c'était, et il fut très surpris de voir la tête d'un homme tué depuis peu. Les Zélandais craignaient qu'on ne leur enlevât. Celui à qui elle semblait appartenir montrait d'ailleurs beaucoup de frayeur. Il tremblait d'être puni par nous, car le capitaine Cook avait témoigné une grande horreur de ses actions inhumaines. Ils employèrent toutes sortes de précautions pour cacher la tête. Ils se la passaient l'un à l'autre et tâchaient, par leurs signes, de nous convaincre qu'ils ne l'avaient plus, quoique nous l'eussions encore vu entre leurs mains quelques minutes auparavant. Ils prirent ensuite congé de nous et se rendirent à terre. Ils nous parlèrent souvent de Tupia le Tahitien, que l'Endeavour avait pris aux îles de la Société qui finit ses jours à Batavia. Quand nous leur répondîmes qu'il était mort, plusieurs parurent fort affligés, et autant que nous pûmes le comprendre, ils désiraient savoir s'il était mort de mort naturelle ou si nous l'avions tué. Ces questions nous firent penser que c'était la même tribu qu'avait vu le capitaine Cook. L'après-midi, ils revinrent avec du poisson et des racines de fougères, qu'ils échangèrent contre des clous et autres bagatelles. Ils attachaient nos clous à plus grand prix qu'au reste de nos marchandises. L'homme et la femme qui étaient possesseurs de la tête n'en revinrent pas. Comme nous avions un catalogue des mots de la langue de ces naturels, nous appelâmes plusieurs choses par leur nom, ce qui les surprit infiniment. Ils avaient envie d'avoir ce catalogue, et ils en offraient une grande quantité de poissons. Où il y avait un vieux fort abandonné par les naturels, le 11 mai nous ressentîmes de forts tremblements de terre, mais nous n'essuyâmes aucune espèce de dommage. Il est probable qu'il y ait des volcans à la Nouvelle-Zélande, car ces deux grands phénomènes ont toujours quelques liaisons. Le 17, ceux de nos gens qui étaient à Ipa m'alarmèrent par le bruit de leurs fusils. Je dépêchai tout de suite un bateau, mais dès que nos gens furent à l'entrée du canal, ils eurent le plaisir de voir la Résolution en travers de son embouchure. J'ai envoyé les chaloupes pour remarquer ce vaisseau, car il y avait calme. Le soir, le capitaine Cook mouilla près de nous. Cette réunion, après une absence de 14 semaines, causa une joie extraordinaire aux deux équipages. Tel fut le récit du capitaine Furneau, je reprends le mien. J'ai déjà dit que j'ai désiré reconnaître la terre de Van Diemen, afin de m'assurer si elle fait partie de la Nouvelle-Hollande, et j'aurais certainement exécuté ce projet si les vents avaient été favorables. Mais l'aventure ayant presque résolu la question, rien ne me retenait plus à la Nouvelle-Zélande, et je pris le parti de continuer mes recherches entre le 41e et le 46e parallèle. J'en avertis le capitaine Furneau, et je lui enjoignis de disposer son vaisseau à reprendre la mer le plus tôt qu'il serait possible. Le 2 juin, les vaisseaux étaient bientôt prêts à reprendre la mer. Le 3, le charpentier monta en bateau et alla couper sur le côté oriental quelques bois dont nous avions besoin. À son retour, il fut chassé par une grande pirogue pleine d'Indiens. On ne sait pas quel était leur motif en agissant ainsi. Notre bateau, qui était sans armes, s'enfuit à toute voile. La prudence conseillait de ne pas se mettre au pouvoir de 50 barbares qui n'ont d'autres lois et d'autres principes que leurs caprices. Le lendemain, de grand matin, quelques-uns de nos amis nous apportèrent une bonne provision de poisson. L'un d'eux consentit à s'embarquer avec nous, mais quand il fut question de partir, il changea de résolution, ainsi que plusieurs autres qui avaient promis de s'en aller avec le capitaine Furneau. On me contait que des Zélandais avaient voulu vendre leurs enfants, mais je reconnus bientôt que c'était une méprise. Ce bruit avait pris naissance à bord de l'Aventure, où personne ne connaissait la langue et les coutumes du pays. Les Indiens amenaient ordinairement leurs enfants avec eux, et nous les présentait dans l'espérance que nous leur donnerions quelque chose. Un homme me présenta son fils, âgé d'environ 9 à 10 ans. Quand on assure alors qu'ils vendaient leurs enfants, je crus qu'il voulait que j'achetasse le sien. Mais l'ayant interrogé à ce sujet, je découvris enfin qu'il demandait seulement pour ce petit une chemise blanche et je lui en donnai une. L'enfant, charmé de son nouveau vêtement, se promena sur le vaisseau et se montra avec complaisance à tous ceux qu'il rencontrait. Cette liberté offensa un vieux bouc peu endurant qu'il étendit sur le tillac d'un coup de corne, et l'animal aurait recommencé si l'on était allé au secours de l'enfant. Comme la chemise de ce dernier avait été salie, il n'osait pas reparaître devant son père qui était resté dans ma chambre, et il fallut que M. Forster l'introduisît. Le pauvre enfant nous fit alors un récit lamentable à propos de Gourcy, le grand chien, car c'est ainsi qu'ils appelaient tous les quadrupèdes que nous avions à bord, et on ne put le calmer que lorsqu'on eut lavé et séché sa chemise. Ce fait prouvera combien nous sommes sujets à nous méprendre sur les intentions de ces peuples et à leur attribuer des coutumes auxquelles ils n'ont jamais songé. Vers les 5 heures, nous aperçûmes une grande double pirogue montée par 20 ou 30 hommes. Les Zélandais, nos amis qui se trouvaient à bord, parurent fort alarmés. Ils nous dirent que ces gens étaient leurs ennemis, et deux d'entre eux, l'un tenant à la main une pique et l'autre une hache de pierre, montèrent sur la poupe du vaisseau et de là défièrent leurs ennemis. Les autres se rendirent sur le champ, leurs pirogues galèrent à terre, probablement afin de mettre en sûreté leurs femmes et leurs enfants. Les Indiens nouveaux venus, qui montaient la grande double pirogue, parurent faire peu d'attention à ceux qui étaient à notre bord, mais ils s'avancèrent lentement vers nous. Bientôt, 2 hommes d'une belle taille se levèrent, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière de la pirogue, tandis que les autres restèrent assis. Le premier tenait à la main une plante verte, et de temps en temps il disait quelques mots. Son camarade prononçait très haut, et d'une voix solennelle, une longue harangue bien articulée. Il élevait et abaissait la voix de toutes sortes de manières différentes. Il semblait tour à tour interroger, se vanter, défier au combat, et cherchait à nous persuader. Quelquefois il parlait assez bas, puis poussait tout à coup des exclamations violentes. Ensuite, il s'arrêtait un moment pour reprendre haleine. Quand il eut fini son discours, on l'invita à monter à bord. Il parut d'abord indécis et défiant, mais, emporté par son courage naturel, il entra sur le vaisseau et fut suivi de tous ses gens. Les 2 orateurs furent introduits dans la grande chambre. L'un se nommait Teiratou. Dès qu'ils furent parmi nous, la paix s'établit un instant de tous côtés. Il ne me parut pas que ces nouveaux venus eussent dessein d'attaquer leurs compatriotes. Du moins, s'ils avaient formé ce projet, ils sentirent que ce n'était ni le temps ni le lieu de commettre des hostilités. Ces étrangers demandèrent aussi, avant tout, des nouvelles de Tupia, et quand ils apprirent sa mort, ils exprimèrent leur affliction d'une manière qui me parut exagérée. Il est néanmoins certain que les lumières et les talents de notre Tahitien, la facilité avec laquelle il parlait le langage des Zélandais, l'avaient rendu cher à ces barbares. Peut-être était-il plus propre que nous-mêmes à les conduire jusqu'à l'état de civilisation où sont parvenues les îles de la société. Teiratou et ses camarades étaient plus grands qu'aucun des Zélandais que nous avions vus jusqu'alors. Nous n'avions pas encore remarqué parmi les habitants du canal de la reine Charlotte des habits, des ornements et des armes aussi riches que les leurs. Et ils parlaient avec une volubilité absolument nouvelle pour nous. Ils avaient plusieurs manteaux couverts presque partout de peaux de chien. En outre, ils emportaient d'autres de fibres de lin de la Nouvelle-Zélande, Formium tenax, absolument neuf et embelli par d'élégantes bordures, rouges, noires et blancs, symétriquement alternées, et qu'on aurait prises pour l'ouvrage d'un peuple civilisé. Le noir est si fortement imprimé sur ces étoffes qu'il mérite l'attention des manufacturiers, car on a grand besoin en Angleterre des productions végétales qui fournissent cette couleur d'une manière durable. Il ne nous a pas été possible d'acquérir là-dessus des lumières. Ces gens étaient d'ailleurs aussi malpropres que les Zélandais que nous connaissons déjà, et des essaims de vermine remplissaient leurs habits. Les uns avaient le visage tatoué, d'autres y mettaient de l'ocre rouge et de l'huile. Ils étaient très charmés quand nous leur frottions les joues de vermillon. Ils gardaient dans de petites calebasses ornées de dessins en creux et en relief une huile très puante. Tous leurs outils étaient sculptés d'une manière élégante et faits avec beaucoup de soin. Le tranchant d'une hache qu'ils nous vendirent était du plus beau jaspe vert, le manche était orné d'une jolie ciselure. Ils nous apportèrent quelques instruments de musique, entre autres une trompette ou tube de bois d'environ 4 pieds de long, qui produisait un braiement sauvage, toujours sur la même note. Des joueurs plus habiles auraient sans doute pu en tirer de meilleurs sons. Une figure humaine décorait, comme à l'ordinaire, la proue de leur pirogue. Mais outre les yeux de nacre de perles, Une langue sortait de la bouche, probablement parce qu'ils ont usage, comme les enfants chez nous, de tirer la langue pour témoigner du mépris et faire un défi à leurs adversaires. Il s'établit bientôt un commerce d'échange entre eux et nous. Ils achetèrent avec beaucoup d'empressement nos ouvrages de fer. Il ne fut pas possible d'empêcher les matelots de troquer les habits qu'ils portaient pour des bagatelles sans utilité et sans aucun prix, ce qui m'obligea de renvoyer nos hôtes plus tôt que je n'aurais fait sans cela. Connaissant l'endroit où ils s'étaient retirés, je résolus de m'y rendre en chaloupe avec M. Forster et l'un de mes officiers. Le chef et toute la tribu, composée d'environ 100 personnes, hommes, femmes et enfants, nous reçurent bien. Nous leur offrîmes des médailles de cuivre doré que nous avions chargées de répandre parmi les nouveaux peuples comme des monuments de notre expédition. L'un des côtés représente la tête du roi avec l'inscription « George III, roi de la Grande-Bretagne, d'Écosse et d'Irlande » et le revers deux vaisseaux de guerre avec ces mots « La résolution et l'aventure ». Sur l'exergue, on lit la date de notre départ d'Angleterre. Nous avions déjà donné quelques-unes de ces médailles aux naturels de la baie d'Usky et à ceux du canal de la Reine Charlotte. Les deux vaisseaux étant prêts à reprendre la mer, je donnai au capitaine Furneaux le journal par écrit de la route que je me proposais de suivre. Je lui indiquai, en cas de séparation, Tahiti comme rendez-vous. Le 7 juin, nous appareillâmes de conserve avec l'aventure. Le 8, nous étions hors du détroit. Le 12, au lever de l'aurore, nous découvrîmes terre droite à l'avant, à la distance d'environ 2000, de sorte que le jour naissant ne nous avertit qu'à temps du danger que nous courions. Il se trouva que c'était une de ces îles basses, ou à moitié submergées, ou plutôt un grand banc de corail de 20 lieues de tour. Cette île, à laquelle j'ai donné le nom du capitaine Furneaux, se trouve à peu près aux mêmes latitudes et longitudes que l'une des îles découvertes par M. de Bougainville. Le 13, nous vîmes une autre de ces îles basses que j'appelais île de l'aventure. M. de Bougainville nomme avec raison ce groupe d'îles basses et submergées archipel dangereux. Ces îles sont de niveau avec les flots dans leur partie inférieure et élevées à peine de 3 à 6 pieds dans les autres. Leur forme est souvent circulaire. Elle renferme à leur centre un lagon d'eau de mer. Et la profondeur de l'eau tout autour est incommensurable. Les rochers s'élevant perpendiculairement du fond, elles produisent peu de choses. Les cocotiers sont vraisemblablement ce qu'il y a de meilleur. Malgré cette stérilité, malgré leur peu d'étendue, la plupart sont habitées. Dès que nous eûmes passé ces îles basses, nous cinglâmes vers Tahiti.